Sha-la-la-la-la, Morgan, la vie pétillante. Sha-la-la-la-la, Morgan, ton eau claire raconte le ciel, nanana. Elle m'enivre et dilate mon cœur, nanana. Deux semaines de vacances et déjà c'est dimanche. Je ne veux pas partir. Chante avec moi. Sha-la-la-la-la, Morgan, la vie pétillante. Sha-la-la-la-la, Morgan, vivre ensemble. Pourquoi se bouder, nanana? Pourquoi ne pas se donner la main, nanana? Nous franchirons les montagnes, nous irons à l'aventure. Faut pas manquer ça, la-la-la-la-la. Chante avec moi. Sha-la-la-la-la, Morgan, la vie pétillante. Sha-la-la-la-la, Morgan, chante avec moi. Sha-la-la-la-la, Morgan, la vie pétillante.